Ouais, donc je suis cheminot à Sotteville. Et donc on a reconduit la grève, hein, on continue. Alors c'est clair que ça commence à peser énormément. Donc maintenant il y a beaucoup de collègues qui se concentrent sur les grosses journées comme aujourd'hui. Et pour la semaine prochaine, ça sera certainement le 22, le 23 et le 24. Mais il faut savoir que vraiment, les cheminots sont toujours là, sont toujours dans la lutte. Ils étaient nombreux dans la manif aujourd'hui. Et ce que je voulais vous dire, c'est que moi je suis au fret. Et je peux vous dire que, autant la direction communique beaucoup sur le fait qu'au niveau voyageurs, il y a une certaine. Comment dire, il y a plus de trains, etc., etc. Mais au fret, ça bloque toujours énormément. Donc on pèse toujours sur la partie marchandises, sachant que le fret ferroviaire, c'est que 10% hein, du transport de marchandises en France, mais c'est quand même 10%, et ça impacte des grosses boîtes. Et là, notamment, j'ai appris hier qu'on n'a pas livré EcoGreen à Saint-Pierre-lès-Elbeuf. Ils n'ont plus de matières premières. Voilà. Donc, et ils sont livrés que par train. Voilà. Donc, ça fait un moment qu'on ne les livre pas. Et ils attendaient vraiment leur train hier. Et Matière ils l'ont pas eu. dangereuse et Voilà. c'est Donc, que c'était pour pendant vous dire qu'il y a toujours un les rayons impact les au nickels niveau de et notre grève, même si on n'en parle pas énormément dans les médias au niveau du fret ferroviaire. Voilà.